L'armée des neufs. Ok, ok. Ça. MSD, frère de Nanterre à Barbès. C'est Carl de G, on est des M6 qui rappent avec un 13. On attaque un quartier, sauf peut-être qu'à part les lunettes, on n'a pas la même vision, ni de la fille, ni du rap game. La différence qui existe entre ton rap et le trop, mais c'est que moi, le second me transporte et me fait voyager, mouler dans la farine ou mener à la baguette. Et l'ami fait pas mes skis, tu pourrais finir en miettes. Faire quelques efforts, c'est sûr, ça mange pas de pain. Mais toi, t'en fais tellement peu que je pense que t'as pas faim. MSD sont dangereux, ça y est, tu connais la pâte, c'est tout frais, prêt à consommer. Ça sort du four de chez Dard. Va, papa, papa, parie ce que tu veux sur moi, moi, moi, moi, moi, ou ah. Côté de la prochaine fois, chacun sa croix, chacun sa bannière, chacun sa manière de faire en suivant sa voix, sa voix. Qu'est-ce que tu veux savoir, ce que tu veux voir, mais c'est dur de voir la vie en rose quand on vit dans le noir. Les devants, plein d'autres questions se sont posées entre temps. Existe-t-il quelqu'un comme moi qui rate tout ce qu'il entreprend? J'ai besoin de me libérer, on la chance pas sur les rédactions. Je parle de vraie d'action qui est faite une forme d'abnégation. Donc pour agir, leur pas, je ne peux pas dire que j'excelle. Mais je me sens plus proche du Kéma que de ce pauvre Axel. Obstination inextricable pour la dénonciation. Désignation inexplicable contre toute forme de négation. Envers des idées qui pousseront à l'avancée de tout un mental. Mais les Français, eux, trouvent tout ça normal. Je n'ai pas hésité lorsqu'il fallait offenser les choix de l'État. J'ai beau le rappeler, tout ça me fait encore mal. Me faire à la belle, non, non, j'aurais l'impression de fuir et fuir ma terre, c'est fuir ma vie. La France, j'y reste tant que j'y suis et non pas. Question de baptiser avec les Nutiaki Poto. Quand ils foutent son popo à couper, j'applique le topo. Le fuck, je fuck tous les tapons et leur ghetto blaster. Les défis me font pas peur, colonise le master. Mec, ça faisait un bail qu'on n'était pas barré. C'est du freestyle de MC mal barré. Mentalités sont dangereux. Yeah, ok, ok. Chaque soir j'écris des textes et ma grande gueule fait criser la gardienne. Tu voulais de la boucherie pour tes enceintes, voilà la césarienne. Sans arrêt on vise et braque une cible. On sort des phrases lucides, si j'ai du rap d'usine. Les proches tirés là c'est en boîte du signe. J'hallucine quand tu signes un contrat. Tout le monde dit albatar pour moi d'or. Si c'est pas le chemin de la gloire mais plus d'un abattoir. Et y'a pas toi envers toute une montagne casse un peu de coûte cher. La gloire va t'écraser comme passe-partout. T'es prêt la courte échelle, mentalités sont dangereux. Ce soir c'est là que ça tire. Un des seuls groupes qui fout la merde au max en prendre de laxatif. J'ai que ça attire. Je suis qu'un artiste trop grave avec des rimes trop crades. Et tous les disques qu'on grave, c'est pas du son pour les aristocrates. Et tous les risques que je brave ne va plus le coup. Parce que ça rapporte depuis qu'on me dit que je suis timbré. La haine dans ma tête passe comme une lettre à la poste. J'aime le boulot qui ne laisse aucune trace. Pas de débat, j'ai des boules, ça ne blague pas. Vu pour l'étage, le sucre de la paperasse. Je lève mon doigt chaque fois que la bague passe. J'aime le son de la haine et ça se ressent dans mes complots. Mon plat c'est un vodka en quelques vers. C'est toujours le plus j'y traque. Je mets mon pute de lit. Je te parque après plus de lit. Scrute les lignes quand je rappe, faut que j'affûte mes rimes. Ça sent pour pourri dans le placard. On avance comme la chance touriste. Notre fou rire fout le cafard. J'suis un mec qui a pas foncé dans le café. On constate notre combat, mais nulle part on se rattrape. Mais l'atmosphère dans ta ouais, tantôt ça sacré bois. J'écris pas pris mal au trousse. Donc quand j'pose tes doigts, à force de tes doigts dans le zèle, tu finis par tirer. T'es l'héritier sans l'artillerie. Vérité, j'la cherche, ouais, sur dos y'a de la charge. On mise pas sur la recherche et chez sans quoi j'm'achète. Hip hop old school, roule en place, ça sent plus. Ça fout le plus quand le son se répand sur toute la façade. Sache ça, ma façon style pas en sachet. Me dis pas que j'suis fâché quand j'kick, c'est que j'ai pas le choix. Je m'en tape, si tu capes pas, je suis capable de cabosser ta calpe. T'en faire perdre ton cap, ta vision, je m'en fous. Si je suis fou à leurs yeux fous, rien à foutre de leur foutaise. Veulent qu'on se taise, t'es sur télévision. Rien à pas si ça te part, faut qu'on se barre. Pour ça que je parle, on participe pas à nos divisions. Écoute, pas les couilles des combats. J'accouche pas, je me couche pas. On sera pas coupable de leur sale prévision. MSD, frère de Nanterre à Barbès. C'est Carl de G, on est des M6 qui rappent avec un 13. On attaque un quartier, sauf peut-être qu'à part les lunettes, on n'a pas la même vision, ni de la fille, ni du rap game. La différence qui existe entre ton rap et le trop, mais c'est que moi, le second me transporte et me fait voyager, mouler dans la farine ou mener à la baguette. Et l'ami fait pas mes skills, toi tu pourras.